sale. Petite de Nam, immerge 5000, style sera ville universal. Petite de Nam, immerge 5000, style sera ville. Rap pas pour l'affiche, j'pose pour mettre la dose. Pas de bâton de réglisse, viens gober mon lactose. 4000 City, les vrais M sortent la fosse. Pas de Mickey ni de mine, sur ce on sort le matos. Air Max 4, certains la barre de Barabas. Près de ma cause, sur place, une big dédicace. Et Rajin, c'était carcasse. Bonne ou tagine, dealer, ma barque, y'a pas. Écrit Bégas, ça l'air pas plus épais qu'une pipe passe à l'envers, genre Chris Cross. Peu importe ton bled, riposte. Ça se barre en kick-off, sert pas de chocotof. La M, c'est Molotov. Donc, cogite catastrophe. Là, la folie t'apostrophe. À l'extérieur, protège ta cage comme dinosaure. Ici, c'est pas Colop. J'remplis ta carafe, j'offre une saveur de boulot. Le beatmaker cherche mes faces, tu me s'approches comme une clope. Il faut qu'on passe le message, mon frère. On s'applique et c'est pas du rap de blédard qu'on fait. Préparez-vous quand j'arrive et place mon texte. On a des projets en tête et des sales concepts. Bienvenue dans un monde tordu. Crise d'alcool, c'est fini, moi je me contrôle plus. Je me pète la tête, mais pas de drogue dure. Personne ne m'apporte ce que le rap me procure. Demande à Osir, voilà des sons purs. J'ai violé le rap, j'ai pas la frisson cul. Il faut qu'on perce, mais y'a pas de billet. C'est la boucherie quand je rappe, je dois t'applier. Je n'ai qu'un incest pour descendre ma cible. Savoir est une arme, j'ai la détente facile. J'écoute des classiques quand je me pète au canard, frère. Envoie un beat que je me mette au travail. Universal, style sera vide. J'arrêterai le rap quand mon beat sera vide. Immerge 5000, style de Nams. On a des 16 ans qui se lament. Universal, style sera vide. J'arrêterai le rap quand mon beat sera vide. Immerge 5000, style de Nams. On a des 16 ans qui se lament. Laisse des hématomes comme un coup de bâton dans le torche. Lâche des sales, c'est en force, mais ça à fond dans le poste. Une petite prise en calme, on rentre vite dans le tas. J'pourrais parler des heures tant qu'il y a un beat dans le casque. Vas-y, prends pas la tête, hein. C'est pas la peine, y'a rien à faire, j'pense à gratter quand y'a du temps à perdre. Accroupi, on a du mal à s'étendre. J'voudrais écrire ma vie, mais y'a pas assez d'encre. Je me revois petit en tête avec un tas de projets. J'voulais voyager, en fait j'fais que patauger. Derrière moi, j'vois ce que mon passé entraîne. J'vois s'effacer tous les rêves que j'avais en tête, ouais. Parle pas d'argent, non, d'alcool ni de drogue. Depuis le début, je me dis immerge, lâche pas le micro. Ok, mes peurs m'aident à franchir l'épreuve. Pour un bon sang, faut une bonne plume et un bon beatmaker. C'est concis, c'est pas baisser le régime. Faire donner le son et la fessée de Belgique. Il paraît que le rap est un terre bizarre. Je viens faire les travaux comme Caterpillar. Je donne du vrai, donc enlève tes fillettes. Où est l'instru, moi, j'en laisse des miettes. Scratin cesse dans ma tête, c'est pas la fête. Je te raconte un peu tout comme la gazette. À la naissance, c'est tombé le tirage. Je parle précis, tu peux compter les syllabes. Ça va vite, j'ai un cruel tour d'avance, hey. Trop d'MC, on t'a tunnel sous la hanche, ouais. Pédale court loin, j'pédale tout loin. C'est du taf, H24, c'est pas pour rien. J'ai choisi entre le 16 et la 16. SSI, UNS, gratte des textes à la chaîne. Universal, style sera vide. J'arrêterai le rap quand mon beat sera vide. Immerge 5000, style de Nams. On a des 16 ans qui se lament. Universal, style sera vide. J'arrêterai le rap quand mon beat sera vide. Immerge 5000, style de Nams. On a des 16 ans qui se lament.